Chapitre 9e, ramené par le bateau pêcheur. Il devait se passer ce jour-là même un événement auprès duquel les émotions de cœur de l'innocente et naïve Miss Bordelion devaient paraître bien insignifiantes. Comme pour mettre un terme, définitivement et sans retour, à tout espoir que Lord Dane n'aurait pu encore conserver, et pour assurer le repos de son héritier, que tourmentaient des doutes étranges et mystérieux, le corps de Harry Dane fut enfin retrouvé et ramené au château. Adélaïde Erol était dans l'après-midi au salon avec M. Lester, qui lui parlait de ce projet de serre dont il avait déjà dit deux mots le matin à Miss Bordelion. Elle l'écoutait d'un air distrait et indifférent, comme si elle se fût souciée aussi peu d'une serre que de toute autre chose en ce monde. Tout à coup, elle leva vivement la tête et prêta l'oreille. Un bruit sur la route, auquel elle n'avait pas pris garde d'abord, s'était graduellement rapproché. C'était comme le bruit des pas d'une troupe d'hommes et elle l'entendait maintenant sous le portail du château. Chose curieuse, elle eut comme une sorte de pressentiment de la vérité. Pâle, les mains jointes, elle écouta un instant, perplexe. Ne pouvant, de la fenêtre où elle se trouvait, rien apercevoir que la foule arrêtée devant le château et regardant avec étonnement à travers la grande porte entrebâillée, elle sortit du salon sans même prendre la peine d'adresser une parole à M. Lester. Au bas de l'escalier, sous la voûte, elle se trouva brusquement au milieu du rassemblement. Une douzaine de pêcheurs environ. On s'était hâté de refermer la grande porte du château pour empêcher la foule d'entrer, qui venait d'apporter une espèce de civière où était étendu un cadavre recouvert d'une toile goudronnée. Ils l'avaient trouvé à quelques milles plus bas que Dangeld et rapporté dans leur bateau en y jetant à peine les yeux et sans penser un seul instant que ce pouvait être le corps du capitaine Dane. Le hasard voulut que Ravensburg se promena sur la plage au moment où le bateau aborda. Immédiatement, du premier coup d'œil, il déclara que c'était là le corps de son ancien maître. Quoique les traits fussent méconnaissables, il le reconnut cependant aux dents et à une marque sur le bras droit. Les dents de Harry Dane étaient d'une grande beauté, blanche et régulière. Dans le désordre du premier moment, personne ne prit garde à Adélaïde. Les domestiques s'étaient réunis sous la voûte, les matelots gesticulaient et parlaient haut. Lord Dane, lui-même, s'était fait conduire jusqu'à l'entrée du hall, et assis dans sa petite voiture, sur le seuil de la porte, il écoutait Ravensburg, qui, debout devant lui, expliquait comment il avait reconnu le cadavre et à quel signe. Si quelque chose était de nature à surprendre Lady Adélaïde en ce moment, c'était certainement la présence de Ravensburg. Le fait qu'il était entré avec les pêcheurs et que Lord Dane, désireux de connaître exactement ce qu'il avait dit auparavant, avait ordonné de l'amener devant lui. Quel sentiment poussa Adélaïde à s'approcher de la civière, elle n'aurait pu le dire. Peut-être, dans son agitation et sa terreur, était-elle inconsciente de ses actions. Qu'elle fût sous l'influence de quelque émotion insurmontable, personne n'en aurait pu douter, en voyant ses yeux hagards et son visage d'une pâleur effrayante. Elle s'avança jusqu'au brancard et allait soulever la couverture quand un des matelots la repoussa de la main sans cérémonie. « Ce n'est pas là un spectacle pour elle. » dit-il en s'adressant à Lord Dane. « Ce n'est pas un spectacle pour des femmes, qu'elles soient vieilles ou jeunes. My Lord, je vous en fais juge. » Lord Dane leva les yeux, étonné. Il ne pouvait croire à la présence d'Adélaïde. Quand il l'eut aperçue au milieu de la foule, il dit d'un ton qui, quoique empreint d'une profonde tristesse, n'admettait pas de réplique. « Retirez-vous. Qui vous amène ici ?»« Toute votre existence, vous auriez cette vue-là devant les yeux. Croyez-moi, jeune madame. » un autre marin, ce n'est pas convenable pour vous. Et puis il est nu comme un ver. Partez à l'instant, Adélaïde, êtes-vous folle ? Répéta sévèrement Lord Dane. Je pense que je suis folle en effet, murmura Adélaïde en revenant tout à coup à elle, rouge de honte et de confusion. Comme elle revenait à la hâte sur ses pas, pour obéir à Lord Dane, elle aperçut Ravensburg les yeux rivés sur elle. Est-ce réellement le capitaine Dane ? Lui demanda-t-elle avec agitation en s'arrêtant un moment devant lui. « Oui, milady, voilà tout ce qui reste de lui. Je l'aurais reconnu entre mille. » Elle éclata en sanglots et s'enfuit dans sa chambre. Squire Lester, n'ayant pas la moindre idée de ce qui se passait en bas, il avait cru à quelque petit événement sans importance, attendait patiemment son retour dans le salon, mais il attendit en vain. On convoqua les magistrats et l'enquête s'ouvrit avec toute la célérité possible. C'était, à proprement parler, une simple formalité, et pour satisfaire aux exigences de la loi, Ravensburg certifia que le cadavre était bien celui de son ancien maître, Michel fit sa déposition et le brave Drake profita de l'occasion pour raconter une fois de plus la scène du colporteur. Du reste, le crâne, derrière la tête, au-dessus de la naissance du col, portait les traces d'une énorme fracture plus que suffisante, déclarait le docteur, pour causer la mort. Le verdict des magistrats fut « meurtre avec préméditation, commis par une personne ou des personnes restées inconnues ». Ce verdict prouvait que l'opinion publique n'accusait plus, comme dans le principe, Richard Ravensbird. L'épisode raconté par Drake avait peu à peu fait son chemin parmi les habitants de Danesheld, que la passion n'égarait pas. L'alibi de Ravensbird était si décisif, tellement incontestable, que les gens raisonnables n'avaient plus conservé le moindre doute sur son innocence, et que l'homme au ballot passait généralement pour le véritable meurtrier. Chose assez étrange, l'inutilité des recherches pour retrouver ses traces acheva de lever tous les doutes. S'il ne se cachait pas, avait-on dit, les efforts de la police pour le découvrir auraient certainement réussi. La question était maintenant de savoir où il se cachait et comment parviendrait à l'arrêter quand il sortirait de sa tanière. L'enterrement de Lady Dane et de son fils eut lieu le même jour au milieu d'une foule plus émue encore qu'à celui de l'honorable Geoffrey. Et Lord Dane, incapable de conduire le deuil, fut remplacé comme précédemment par son neveu, le nouvel héritier. À son retour des funérailles, Herbert Dane, mais nous devons nous aussi oublier ce nom, Geoffrey Dane reçut en rentrant au château l'ordre de se rendre auprès de son oncle. Il fut frappé de l'altération des traits du vieux lord, qui, assis dans son lit et soutenu par une montagne d'oreillers, fixait sur lui un regard presque éteint. « Vous sentez-vous plus mal, mon oncle ? » s'écria-t-il involontairement. « Je le crois, Geoffrey. Je suis anéanti. Les forces m'abandonnent tout à fait. J'ai voulu me lever, espérant pouvoir vous accompagner tout à l'heure. Mais je me suis presque évanoui, et j'ai été forcé de me recoucher. J'ai besoin de causer avec vous, Geoffrey. Je vous laisserai après moi un grand devoir à remplir, un devoir plus impérieux que tous les autres. Me promettez-vous de l'accomplir ? Oui, certes, et avec toute mon énergie. Suivant les décrets de la Providence, souvent étranges et bien inattendus, vous serez le 17e baron Dane, Geoffrey. » Et le vieux père d'Angleterre appuya sa main sur le bras de son neveu, en le regardant fixement, comme pour donner plus de force à ses paroles. « Geoffrey, je vous prie, au nom de ce qui vous est le plus sacré ici-bas, par vos espérances de bonheur dans ce monde et dans l'autre, je vous supplie de faire tous vos efforts pour découvrir l'assassin de mon fils. Employez-y toute votre activité, n'épargnez ni démarche ni argent. Ne vous découragez jamais dans vos recherches. Ne soyez jamais tenté d'y renoncer, même si vous désespériez de réussir. Ne cessez pas un instant de surveiller secrètement cet homme. Vous me comprenez, Geoffrey. Mais on ne l'a pas encore trouvé, sœur. Pas encore trouvé, que voulez-vous dire ? Vous me parlez du colporteur, n'est-ce pas ? Le colporteur ! Répéta ironiquement Lord Dane. Cette histoire n'a jamais, dans mon opinion, valu seulement un moment d'attention. Vous m'avez déjà entendu dire ce que j'en pense, Geoffrey. Quelques marchands ambulants qui auraient rencontré Harry comme il sortait du château et l'auraient suivi sur les falaises en le poursuivant de ses offres, d'un mouchoir de coton ou d'un couteau de corne. Et Harry, importuné et agacé, qui serait monté sur ses grands chevaux et aurait malmené l'individu. Il n'y a rien eu de plus, ajoute-t-on. Et moi je dis non. Celui, quel qu'il soit, qui a tué Harry, cette nuit-là, l'a tué avec préméditation. C'était Ravensbird, Geoffrey, et je vous charge de le surveiller. » Une expression d'ennui couvrit le visage de M. Dane. « Je suis peiné de différer d'opinion avec vous, sœur, mais je dois vous dire que vraiment, je ne crois pas à Ravensbird coupable. Je l'ai, comme vous, accusé d'abord, mais c'était avant qu'il eût prouvé sa présence au rendez-vous des marins au moment de l'accident. Il est impossible que ce soit Ravensbird. Et moi, je vous le dis, Geoffrey Dane, c'était lui et non un autre. Ne prenez pas de repos jusqu'à ce que vous en ayez acquis la preuve. C'est la grande tâche que je vous laisse, Geoffrey. Maintenant, occupons-nous d'autres affaires. Où est Cecilia ? N'est-elle pas encore de retour ? Non. J'ai reçu ce matin même une lettre d'elle. Elle ne doit revenir que dans une semaine ou deux. Madame Saint-Aubin est malade et Cecilia ne peut pas la quitter. Lord Dane sembla désappointé. J'aurais désiré qu'elle vînt habiter au château jusqu'au moment du départ d'Adélaïde pour l'Écosse. Est-il donc décidé qu'elle va en Écosse ? Tout à fait décidé. Comment faire autrement ? Elle ne peut pas rester seule ici. J'aurais voulu que Cecilia lui tînt compagnie jusqu'à son départ. Non pas que l'une soit plus raisonnable que l'autre. Enfin, Adélaïde s'était mêlée à la foule. le jour où l'on apporta au château le corps de mon pauvre Harry. Et si on ne l'en avait empêché, elle aurait soulevé le drap dont il était recouvert pour le regarder. Elle est aussi étourdie qu'un lièvre de Mars. Quand on pense à son imprudence de courir la nuit sur les falaises, il lui sera désagréable de retourner en Écosse. Nécessité n'a pas de loi. Madame Grant est sa parente, après tout, et prendra soin d'elle. Si Hergdale était marié, elle pourrait habiter avec lui, mais il ne l'est pas. « Je crois, mon oncle, » bégaya Geoffrey Dane en rougissant, « je crois qu'elle serait plus heureuse avec moi. Si vous voulez me donner votre consentement et me pardonner de vous parler de mes projets dans un jour comme celui-ci, en quoi plus heureuse, comme ma femme ?»« Geoffrey, il faut, cela vaut mieux, m'expliquer franchement avec vous. Vous ne supposez pas, n'est-ce pas, que depuis la mort de mes fils, je n'ai pas profondément réfléchi à votre avenir et au sien. Ma femme s'était imaginée, il y a quelques mois, qu'Adélaïde vous aimait, mais elle ne m'avait jamais parlé de ses doutes et ne m'en fit part qu'après la mort de Harry. Je ne pus le croire et je restais convaincu que Lady Dane avait dû se tromper. Si Adélaïde n'avait pas aimé Harry, pourquoi se serait-elle fiancée à lui? Harry mourut, puis Geoffrey, et vous avez pris leur place. Vous êtes devenu mon héritier. Dans ma dernière entrevue avec ma pauvre femme, je lui reparlais de vous et d'Adélaïde. Je n'ignorais pas que sa grande préoccupation était de laisser seule et sans appui dans ce château cette pauvre fille. Je lui dis que si réellement vous vous aimiez tous deux, il fallait vous marier. Et pour vous avouer la vérité, Geoffrey, je vous aurais accordé sa main plus volontiers que je ne l'aurais accordé à Harry, car je ne suis pas partisan des mariages entre cousins. Il n'y a pas de parenté de sang entre vous deux. « Eh bien, sœur, » dit Geoffrey en s'apercevant que son oncle ne continuait pas. « Eh bien, Lady Dane me dit qu'ayant interrogé Lady Adélaïde à ce sujet, elle avait reconnu que ses doutes antérieurs n'étaient pas fondés. Adélaïde n'avait jamais aimé que Harry et refuse absolument de vous épouser. J'en conclus donc que si vous êtes laissé aller à faire des rêves d'avenir, en comptant sur l'affection d'Adélaïde, vous êtes bercé de chimères. » Un sourire orgueilleux d'homme satisfait et sûr de lui-même effleura les lèvres de M. Dane. « En tout cas, sœur, j'ai votre consentement à l'épouser. » Si je réussis à me faire agréer par elle, je vous le donne des deux mains, mais il y a d'autres choses dont je désirais encore vous entretenir. Je sens les forces m'abandonner en ce moment. Revenez ce soir, Geoffrey. » Monsieur Dane, en quittant son oncle, se rendit tout droit au salon à la recherche d'Adélaïde. Il la trouva dans la petite pièce contiguë, assise près de cette même fenêtre, d'où si souvent, dans les temps heureux, elle avait épié sa venue. Hélas, elle ne l'attendait pas aujourd'hui. Et les persiennes fermées laissaient à peine pénétrer dans la chambre un demi-jour sombre et triste comme elle. Elle se leva en tressaillant à son entrée et se dirigea vivement vers la porte comme pour éviter de se trouver en face de lui. « Est-ce que je vous effraie au point de vous faire fuir, Adélaïde ?»« Oh non !» répondit-elle toute confuse et elle se rassit en rougissant dans le grand fauteuil de Lady Dane. « On me dit qu'il est question de votre départ pour l'Écosse, où vous iriez habiter chez Madame Grant. » « Il en est question, en effet. Autant vaudrait vous enterrer vivante que de passer votre existence dans cette triste maison. » Elle ne répondit pas. Elle tenait à la main une chaîne de jais et semblait occupée à en compter les anneaux. M. Dane, debout, les yeux avidement fixés sur elle, reprit d'une voix oppressée. « Adélaïde, vous me pardonnerez l'inconvenance apparente d'un entretien avec vous aujourd'hui et à 7 heures, quand la tombe de Harry est à peine fermée. Mais votre oncle m'y a autorisé. « Je n'ai du reste qu'un mot à vous dire. Voulez-vous me permettre de vous offrir ma maison? Voulez-vous y venir, au lieu d'aller chez Madame Grant, comme ma femme? C'est impossible. »« Comment impossible ?» Un moment de lutte intérieure, et elle laissa tomber de ses doigts la chaîne de jais. Alors elle leva la tête avec une soudaine résolution. Tout son ancien empire sur elle-même avait reparu. Sa voix, quoique très basse, était ferme comme un roc quand elle répondit « Parce que j'ai promis à un autre d'être sa femme. » Geoffrey Dane sentit son cœur se briser. Il aimait cette fille d'un amour passionné, d'un amour absolu, capable de tous les sacrifices. L'altération de ses traits frappa Adélaïde, qui, profondément émue, s'écria dans un élan de tendresse. « Dieu m'est témoin que je voudrais pouvoir vous épargner ces douleurs. Oui, en vérité, je le voudrais. Qui a pu vous changer ainsi? Il fut un temps. Il est bien près de nous encore. » Où notre seule idée, notre seule préoccupation était de trouver les moyens d'être unis à jamais. Vous me disiez, si vous possédiez seulement quelques centaines de livres sterling de rente, j'abandonnerais tout pour vous. Ne parlez pas de ce temps-là, interrompit-elle. Le passé est le passé. Et le présent est le présent. je puis maintenant vous offrir ce qui n'était pas en mon pouvoir alors, ce que, je vous le déclare sur l'honneur, je n'avais jamais rêvé de voir s'accomplir. Je puis vous faire, trop tôt, je le crains, la maîtresse de ce château et de ces vastes domaines. Vous n'avez pas besoin de vous étendre là-dessus, je comprends parfaitement. Vous feriez de moi une Lady Dane. Je ferai de vous une Lady Dane, et ma femme adorée, dit-il du ton de la plus vive tendresse. Oh, Adélaïde, pourquoi me regardez-vous ainsi? Quel malheur s'est abattu sur nous? Pourquoi ce changement en vous? Je ne puis accepter votre offre, répondit-elle avec une froideur voulue. J'offrais en vérité, tout est fini entre nous, fini à jamais. Il était bouleversé, ses traits se contractaient, sa voix était altérée par l'émotion. Au moins vous pouvez me dire la cause de ce changement. Pourquoi est-ce fini entre nous? Oh, Adélaïde, mon adorée! Chut! Interrompit-elle, de telles paroles sont une trahison, aujourd'hui que je suis engagée à un autre. Peut-être se demandait-il si elle rêvait ou si elle plaisantait pour le mettre à l'épreuve, qu'elle parlât sérieusement. Il ne pouvait le croire, et il s'aperçut qu'il ne le croyait pas. « C'est la vérité, Geoffrey, je suis fiancé à M. Lester. » Il devint livide. « M. Lester » fit-il d'un air ailleurs. « Un mariage avec lui serait pour vous plus qu'une plaisanterie. Vous ne le nierez pas. »« Que pouvais-je faire ? » répondit-elle, s'oubliant un instant elle-même et avec un accent douloureux. « Je n'avais pas d'autre alternative. Chez Madame Grande, je serais devenue folle de chagrin et de tristesse. Hein, ne me maudissez pas, Geoffrey. Pour l'amour de Dieu, ne me regardez pas ainsi. » « Ce n'était pas là votre seule alternative. Ne m'aviez-vous pas, n'étiez-vous pas sûr que ma maison vous était ouverte ?» Elle secoua la tête. « La mort de Harry Dane est comme un poids sur mon cœur, » murmura-t-elle. « Notre trahison envers lui est toujours présente à mon esprit. Je vous l'ai dit une fois. N'eût-il pas d'autre homme que vous, sur cette terre, Geoffrey, je ne serais pas votre femme. Et vous n'avez pas pitié de moi. Je vous plains du plus profond de mon cœur, et je me plains aussi, » ajouta-t-elle en joignant les mains. Ne suis-je donc pas assez puni? Adélaïde, pourquoi ne m'avoir pas tué? J'aurais moins souffert. Il y a des moments où je voudrais que nous nous fussions tués ensemble, répondit-elle en se levant. Adieu, Geoffrey, que cette visite soit la dernière. Ne venez plus me voir, car en vérité, ces émotions ne sont bonnes ni pour vous ni pour moi. Un moment encore, Adélaïde. Non, vous ne partirez pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à vous dire. Si vous épousez George Lester, vous commettrez la plus grande erreur qu'une femme ait jamais commise en sa vie. Je ne crois pas. En tout cas, j'en courrai à la chance. Aussi vrai que nous sommes là tous les deux, vous serez malheureuse. Vous m'aimez. Oui, vous m'aimez. Il ne s'agit pas de faire de la fausse modestie et de fermer les yeux à l'évidence. Vous m'aimez, je vous le dis. Votre existence avec George Lester ne sera qu'un long désir inassouvi. Un désir pour vous ? Répliqua-t-elle avec une contraction dédaigneuse des lèvres, et froissé de l'expression. « Vous vous trompez, Monsieur Dane. »« Oui, un désir, une aspiration à échapper à l'existence que vous vous serez imposée à vous-même, mais vous y serez condamné à jamais. »« Je ne saurais en entendre davantage. Cette discussion est du reste tout à fait inconvenante en ce moment. Les tombes de ma pauvre tante et de Harry sont à peine fermées, et vous venez... » Soit que cette pensée lui eût causé une soudaine douleur, soit que l'entrevue fût devenue réellement trop pénible pour elle, Lady Adélaïde fondit en larmes. M. Dane voulut lui prendre les mains, mais elle les retira vivement. « Non, Geoffrey, il vaut mieux ne pas nous donner la main. Je ne puis rien être pour vous désormais. À quoi bon me tenter? Pourquoi envenimer mes regrets? Nous ne devons plus nous rencontrer jusqu'à ce que je sois la femme de M. Lester. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi tout le mal que je vous fais, » ajouta-t-elle en sanglotant, « et gardez de moi un bon souvenir. Vous le voyez, je souffre autant que vous. » Il allait l'attirer contre sa poitrine, mais Adélaïde fut plus sage que lui. Étant donné la nécessité absolue d'une séparation, qu'il ne pouvait ni s'expliquer ni comprendre, elle prit le seul parti raisonnable, et avant qu'il ait pu l'arrêter, même d'un geste, elle s'enfuit de la chambre. Le malheureux Geoffrey était anéanti. Toutes ses espérances, le rêve de sa vie, venaient de s'envoler. Il resta quelque temps à la même place, la tête dans les mains, absorbé dans ses pensées. Il se leva enfin en poussant un gémissement de douleur, et descendant l'escalier, se dirigea machinalement vers l'appartement de Lord Dane. Il annonça à son oncle qu'Adélaïde se disposait à épouser M. Lester, sans réfléchir que ce n'était pas à lui d'instruire Lord Dane de ce fait. Mais il était trop troublé et trop malheureux pour que l'idée de cette inconvenance lui vînt même à l'esprit. Lord Dane ne revenait pas de son étonnement. Adélaïde épousait George Lester. « Eh bien ?» dit-il lentement après quelques minutes de réflexion. « C'est peut-être un bien pour Adélaïde après tout. Elle a besoin d'être menée très sévèrement, à moins que je ne me trompe du tout au tout sur elle. Elle est nonchalante, étourdie et folle. George Lester est d'un âge et d'un caractère à la tenir ferme et à la faire marcher droit. Vous, mon cher enfant, vous auriez cédé à tous ses caprices et à toutes ses fantaisies. » Pas de réponse. Lord Dane leva les yeux sur son neveu et fut frappé de l'altération de ses traits. « Comment, vous l'aimiez donc ?»« Jamais la pensée ne m'était venue qu'elle me refuserait, » dit-il d'une voix brisée. « Soyez homme, Geoffrey, si elle ne veut pas de vous, si elle préfère George Lester, qui pouvait vous faire ?»« Allons, ne pleurez pas comme une petite pensionnaire amoureuse. Elle est très jolie, j'en conviens, mais elle n'a guère d'autres bonnes qualités, dans mon opinion du moins. Je n'aurais pas voulu en faire ma femme. Elle est aussi inconstante que le vent. Harry hier, George Lester aujourd'hui, croyez-moi, oubliez-la et cherchez quelque chose de mieux. » L'oublier ? C'eût été là un bon conseil si Geoffrey avait été capable de le suivre. Ah, qu'étaient pour lui et ses honneurs et cette fortune inespérée ? Que lui importaient les félicitations et les prévenances dont le monde l'accablait aujourd'hui ? Que lui importait de faire envie à tous quand le caprice d'une femme lui brisait le cœur ? Un autre bonheur devait, ce jour-là même, se briser aussi comme verre. Mademoiselle Eliza Tiffle, après sa charge à fond de train contre Miss Bordelion, avait pendant un jour ou deux contenu son indignation. Tiffle, du reste, aurait été de force à la contenir pendant un mois ou deux, si son besoin de vengeance l'avait exigé. Elle n'ouvrit pas la bouche jusqu'au lundi de la semaine suivante. Elle ne l'ouvrit même, alors, que par suite d'un incident inattendu. Elle et les servantes sous ses ordres n'étaient pas d'accord sur un détail du service, comme cela arrivait fréquemment. Tiffle insista, disant qu'elle voulait être obéie, et une scène de rébellion domestique s'ensuivit. Le sommelier, toujours disposé à la conciliation, lui parla en particulier, lui demanda de faire la paix. « Non, » avait répondu Tiffle. Aussi longtemps qu'elle serait au hall, elle leur ferait sentir qu'elle était la maîtresse. Quand elle s'en irait, elle pourrait agir alors comme bon leur semblerait. Elle n'avait plus du reste que 4 semaines à attendre. Le sommelier, surpris, la pria de s'expliquer plus clairement. Il lui raconta alors comme quoi elle ne s'était pas gênée pour annoncer son départ à Miss Bordelion. L'homme ouvrit de grands yeux. « Mais sûrement vous n'avez pas parlé de cela à Miss Bordelion, » s'écria-t-il. « Vous ne l'avez pas accusée d'être sur le point d'épouser le maître. » Avec ça que j'ai pris des gants pour le lui dire. J'ai même ajouté que je tenais de vous la nouvelle, » répondit Tiffle d'un air triomphant. « Je lui ai dit que je n'étais pas habitué à de pareilles cachotteries, et je lui ai donné mon compte illico. Mais, » dit le sommelier avec embarras, « ce n'est pas Miss Bordelion qui doit épouser M. Lester. »« Ce n'est pas Miss Bordelion. »« Certainement non. » Les yeux gris de Tiffle lançaient des éclairs. Elle croyait que Jones se moquait d'elle. « Qui est-ce alors ?»« Je veux bien vous le confier, mais sous le sceau du secret, Mrs. Tiffle. »« Quand je vous en ai parlé la première fois, je n'étais sûr de rien. » Quoique je me doutasse de la chose, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute à voir. C'est la jolie fille du château, Lady Adélaïde. » Il ne pouvait convenir à Mademoiselle Tiffle de passer pour une imbécile et de jouer un rôle ridicule. Elle courut s'enfermer dans sa chambre pour penser tout à son aise au parti qu'elle devait prendre. Après une demi-heure de réflexion, elle se décida de se rendre auprès de Miss Bordelion. Quelle différence avec l'injurieuse Tiffle de l'autre jour! Tranquille, humble, l'air suppliant, frottant ses mains l'une contre l'autre, suivant son habitude, dans ses moments de fourberie, ses yeux faux lançaient sur Miss Bordelion des regards affectueux. « Qu'y a-t-il, Tiffle ?»« Oh, madame, j'espère que vous me pardonnerez. Et je suis venu vous faire mes humbles excuses pour ce que je vous ai dit il y a 2 jours. C'est la faute de Jones. Il m'a mal renseigné, et il mériterait d'être chassé. Du reste, tous, tant qu'ils sont en bas, ils ne valent guère mieux que lui. » Et ce ne serait pas une grande perte si l'on s'en débarrassait. J'ai appris qu'il n'y avait pas de raison pour parler comme je l'ai fait de vous et de mon maître. Vos paroles m'avaient tellement prise à l'improviste, Tiffle, que je ne les ai pas relevées comme j'aurais dû, répondit avec calme Miss Bordelion. Monsieur Lester n'a pas l'intention de changer de manière de vivre quant à présent, je le crois du moins. Ne vous mettez non plus à l'avenir de pareilles idées en tête. Vous comprenez, madame, je m'étais trompé en partie, dit Tiffle sans lâcher pied. « J'avais cru qu'il s'agissait de vous. Et c'est ce dont je vous demande humblement pardon, quand il était seulement question d'une autre personne. Mais, Miss Bordelion, mon maître va se remarier, et je suis heureuse de pouvoir vous l'annoncer, si vous ne le savez pas. » Que voulait-elle dire? Était-ce sérieux? Le cœur de Miss Bordelion commençait à battre violemment. Elle regardait Tiffle d'un air hébété. « Je n'aurais pas voulu pour tout le monde vous offenser, madame. Faut-il que j'aie été sot de m'imaginer que vous et mon maître, vous pouviez penser l'un à l'autre ?» continua l'horrible créature d'un ton de franchise affectueuse, en regardant du coin de l'œil le changement de visage de Miss Bordelion. « Peut-être sera-t-elle un peu jeune pour lui. C'est à craindre. Mais enfin, personne ne dira qu'elle n'est pas jolie. Et Squire Lester, c'est connu, a un goût prononcé pour la beauté. Les cheveux ont peut-être aussi une teinte un peu roussâtre. Vous avez pu le remarquer vous-même, Miss Bordelion. » Je ne sais pas ce dont vous me parlez, dit la pauvre femme en respirant à peine. Comment vous ne savez pas, madame? Mais c'est Lady Adelaide Hall. C'est sur elle que mon maître a fixé son choix. Le pouls de Marguerite Bordelion s'arrêta tout à coup, puis recommença à battre avec une vitesse inquiétante. Sa vue s'obscurcit, sa raison sembla l'abandonner, et sans un effort désespéré sur elle-même, elle aurait perdu connaissance. Mrs. Stifle, lui jetant un dernier regard de sympathie, ferma la porte et remonta à sa chambre en dansant une gigue.